Benz, Benz. Hey yo, ne jamais faire comme tout le monde, j'ai trouvé ma filière. Pour t'ambiancer, voici l'obscurité de la lumière. Jamais aigri, un croque-mort MC. Le tueur qui sourit résume si bien nos vies. Malheureux d'être passionné de la mort, je suis celui qui danse quand se font écorcer les porcs. La faucheuse star, le cimetière pour plumard, pour un spill à patois, pour décider cul tard. Les volcans pour moi sont juste des chauffages. Les chambres des enfants se résument à des cases. Apprenti démon, rigole de la prison. Le mal et mon don, les cris sont maison. L'atterrance, mon navet de constater les dégâts, j'ai trop de haine. Nos vies résument à mourir belle. L'atterrance, mon navet de constater les dégâts, j'ai trop de haine. Nos vies résument à mourir belle. Danse avec le diable. Depuis qu'on est type, on joue pendant que d'autres cannes. Depuis l'époque des couches, on a la haine, parcours d'une vie amère. Des scènes de joie pendant que d'autres vivent la mer. Des scènes de concubinage avec le chétan. On s'arme et on graille pendant que d'autres fanent. On boit des martyrs, des cités, des pités. Mal aimé, on kiffe cette épopée. L'atterrance, mon âme est de constater les dégâts, j'ai trop de haine. Résume à mourir belle. Nos clartés dans mon art est de constater les dégâts, j'ai trop de haine. Nos vies résume à mourir belle. Ok, à deux doigts du pouce et de l'index. Écriture nocturne, la mort entre la basse et la caisse. Bang bang, et en 8-8 t'es mort. Des phases de combo, même si l'instru s'arrête, je sors la HF. Et je souris quand je me brûle. La lumière au bout de la boucle et les pétards hurlent. C'est musique, connard. De quoi vous mutiler, c'est bien HF, bâtard. Et prends le bas de combat pour les petites flippettes. Nous on s'en branle, on danse avec la mort pour les coupettes. Et je danse, danse. Et l'armurerie déclenche, déclenche. HF All Star.